Chapitre 20e. La demande en mariage. Les départs se succédèrent rapidement au château de Courcy. Celui de Miss Dunstable était fixé au lendemain. La comtesse, qui au commencement s'était vue forcée de mettre un frein à l'ardeur de Frank, voyait maintenant les jours et les semaines se succéder sans amener la solution si désirée. Elle résolut donc de raviver le feu qu'elle avait essayé de ralentir. « Il n'y aura que la famille ici ce soir, » dit-elle à Frank. « Et il me semble qu'il est temps de vous expliquer avec Miss Dunstable. Elle aura le droit de se plaindre si vous ne lui disiez quelles sont vos intentions. » Frank commence à voir qu'il se trouvait dans un dilemme peu récréatif. Il avait fait la cour à Miss Dunstable en guise de passe-temps, et aussi pour se moquer de sa tante en ayant l'air d'entrer dans ses idées. Mais il avait dépassé le but, et il ne sut que lui répondre quand elle le somma de s'expliquer. Puis, bien qu'il ne se souciât nullement d'épouser Miss Dunstable, il n'en éprouvait pas moins un certain sentiment de jalousie en voyant qu'elle restait insensible à toutes ses attentions. Quoique Frank se fût répété 10 fois par jour que son cœur était tout entier à Mary Thorne, un sentiment indéfinissable le portait à penser que Miss Dunstable aurait dû au moins l'aimer un peu. Il était même contrarié qu'elle ne fût pas triste à l'idée de leur prochaine séparation. Enfin, il était surtout désireux d'en savoir davantage au sujet de cette lettre adressée à son cousin. Il avait menacé intérieurement Miss Dunstable d'un petit chagrin de cœur, mais au moment de la séparation, il découvrait que c'était plutôt son cœur à lui qui avait le plus à souffrir des deux. « Je suppose que je suis obligé de lui dire quelque chose, ou ma tante ne me le pardonnera jamais, » se dit Frank en entrant ce soir-là dans le petit salon. Mais au même instant, il se sentit tout honteux de ce qu'il allait faire et dire. Sa sœur et une de ses cousines étaient dans le salon quand il y entra, mais sa tante, qui se tenait sur le qui-vive, les en eut bientôt fait sortir et Frank se trouva seul avec Miss Dunstable. « Ainsi, voici le moment des adieux, » dit-elle en commençant elle-même la conversation. « Je ne sais ce que vous éprouvez, Monsieur Gresham, mais pour moi je suis vraiment un peu triste à l'idée de notre séparation. » Il le regardait avec son air enjoué. « Triste, oui, vous en avez bien l'air, » dit Frank, qui malgré tout se laissait aller à faire du sentiment. « Comme la comtesse doit être heureuse de nous voir partir. En vérité, nous l'avons quelquefois traitée indignement. Nous n'avons songé qu'à notre plaisir sans nous occuper de celui des autres. Il m'a semblé quelquefois qu'elle était tentée de me mettre à la porte. Je voudrais qu'elle l'eût fait. Quel barbare vous faites! Et pourquoi cela, je vous prie? Pour partager votre exil. Je déteste le château de Courcy. J'aurais été enchanté de le quitter et quoi? Et comme j'aime Miss Dunstable, j'aurais été doublement heureux de le quitter avec elle. » La voix de Frank trembla un peu lorsqu'il fit cette galante déclaration, mais Miss Dunstable ne fit qu'en rire plus fort. « D'honneur, » dit-elle, « de tous mes chevaliers, vous êtes le plus galant. » Frank se sentit rougir. Miss Dunstable le traitait en petit garçon. Tout en prétendant avoir de l'affection pour lui, elle se moquait de lui et échangeait des lettres avec son cousin George. Était-il possible que George eût réussi là où il avait échoué? Qu'il eût touché le cœur de l'héritière pendant que celle-ci le traitait en enfant? « De tous vos chevaliers, » reprit-il, « est-ce ainsi que vous me parlez au moment de notre séparation? Dites-moi, Miss Dunstable, depuis quand George de Courcy fait-il partie de leur nombre? » « Pourquoi me demandez-vous cela? » dit Miss Dunstable d'un air sérieux. « Qu'est-ce qui peut vous porter à me parler de Monsieur de Courcy? Oh, j'ai des yeux, et je ne puis m'empêcher de voir. Et qu'avez-vous vu, Monsieur Gresham? Je sais que vous lui avez écrit. Vous l'a-t-il dit? Non, mais je le sais. » Miss Dunstable garda un moment le silence, mais elle reprit bientôt son expression enjouée. « Voyons, Monsieur Gresham, j'espère que nous n'allons pas nous quereller, alors même que j'aurais écrit à votre cousin. Et pourquoi ne lui écrirais-je pas? Je vous écrirai à vous, si vous voulez me promettre de me répondre. » Frank se pencha en arrière sur le sofa, et ce mouvement le rapprocha de Miss Dunstable. Il passa lentement sa main sur son front, et repoussant en arrière son abondante chevelure, il dit en soupirant, « Je ne tiens nullement à une correspondance dans ces conditions. Si mon cousin est de la partie, je me retire. » Et il soupira de nouveau. Il jouait certainement un sot rôle en ce moment, mais il faut se rappeler qu'il n'avait que 21 ans et qu'on avait tout fait pour qu'il devint un fat. Miss Dunstable le savait et elle fut indulgente. « Je ne vous comprends pas, Monsieur Gresham, » lui dit-elle. « Selon toute probabilité, je n'écrirai plus à M. de Courcy, et supposez que je lui écrive encore, je ne vois pas la peine que cela peut vous faire. Oh, Miss Dunstable, vous ne comprenez pas la nature de mes sentiments. Vraiment ? Alors j'espère ne jamais les comprendre. Je m'en étais flatté, cependant. J'avais cru que vous aviez pour moi les sentiments d'un ami. Des sentiments dont la sincérité me charmait, je l'avoue, quand tout ce qui m'entoure est si faux. J'ai beaucoup d'amitié pour vous, Monsieur Gresham, et il me serait pénible de m'être trompé à votre égard. » C'était de mal en pis. Les jeunes personnes comme Miss Dunstable, car enfin elles pouvaient encore passer pour une jeune personne, ne disent pas ordinairement à un jeune homme qu'elles ont beaucoup d'amitié pour lui. On ne dit guère cela qu'à un enfant. Frank Gresham, qui sentait qu'il avait déjà fait ses preuves et non sans gloire, ne put supporter de s'entendre déclarer si ouvertement par Miss Dunstable qu'elle avait beaucoup d'amitié pour lui. « Beaucoup d'amitié pour moi, Miss Dunstable, je le voudrais. »« Oh oui, certes, j'en ai, oui, beaucoup. »« Et vous, vous ne savez pas combien je vous aime, Miss Dunstable. » Et il voulut lui prendre la main, mais elle l'évita et lui donna une petite tape sur les doigts. Et que pouvez-vous avoir à dire à Miss Dunstable qui vous oblige à lui prendre la main? Je vous en avertis franchement, Monsieur Gresham, je finirai par croire que tous les hommes sont des sots et qu'il est inutile d'en chercher un qui mérite qu'on fasse attention à lui. Tout jeune qu'il était, Frank aurait dû comprendre et recevoir avec reconnaissance un avis aussi sage, donné avec tant de bonté et rendu si intelligible. Mais, soit entraînement, soit obstination, il reprit. Un sot, oui, je suppose que je suis un sot, d'aimer assez Miss Dunstable pour que notre séparation me soit douloureuse. Un sot, oui, un homme l'est toujours quand il aime. Miss Dunstable ne pouvait plus faire semblant de ne pas comprendre Frank. Il se décida à l'arrêter, à quelque prix que ce fût. Elle lui tendit une main qui n'était pas de la plus grande blancheur, mais qui, en revanche, était douée d'une certaine force physique, ainsi que Frank ne tarda pas à s'en apercevoir. « Monsieur Gresham, lui dit-elle. Avant de continuer, écoutez-moi. Voulez-vous me promettre de m'écouter un moment sans m'interrompre ? » Il le promit nécessairement. « Vous allez, ou plutôt vous alliez, me faire une déclaration d'amour. » « Une déclaration ? » dit Frank en essayant en vain de retirer sa main. « Oui, une déclaration. Mais une fausse déclaration, Monsieur Gresham. Une fausse déclaration, je le répète. Regardez dans votre cœur, car je sais que vous, au moins, vous en avez un. Cherchez bien soigneusement, et vous verrez que vous ne m'aimez pas, du moins pas comme un homme doit aimer la femme qu'il jure d'aimer. » Frank, pris à l'improviste et interrogé de la sorte, ne pouvait plus dire qu'il aimait Miss Dunstable. Il ne lui restait plus qu'à l'écouter attentivement. « Comment pourriez-vous m'aimer ? » continua-t-elle. « Dieu sait de combien d'années je suis votre aînée. Je ne suis ni jeune ni belle, et je n'ai pas été élevée comme doit l'être la femme que vous aimerez assez un jour pour en faire votre compagne. » « Je n'ai rien qui puisse me faire aimer de vous, mais... je suis riche. »« Je n'ai jamais pensé à cela, » dit hardiment Frank, qui sentit la nécessité de dire quelque chose pour sa défense. « Ah, Monsieur Gresham, je le crains cependant. Pour quel autre motif parleriez-vous de la sorte à une femme comme moi ?»« Je n'ai aucun motif, » dit Frank en dégageant enfin sa main. « Dans tous les cas, vous m'accusez à tort. Je ne mérite pas vos soupçons à cet égard, Miss Dunstable. »« Je vous aime si bien. » Si sincèrement, s'il est permis à une femme de se servir de ce mot pour exprimer son amitié, que si la fortune seule pouvait vous rendre heureux, la mienne serait tout entière à votre disposition. « Je n'ai jamais pensé à votre fortune, » dit Frank avec hauteur. « Mais, » continua-t-elle, « je suis désolé de voir que vous, si jeune, si aimable, si spirituel, vous cherchez avant tout la fortune. » J'ai accepté cela avec une parfaite indifférence de la part de certaines autres personnes, mais... Et deux grosses larmes s'échappèrent des yeux de Miss Dunstable. Elles auraient coulé le long de ses joues si elle ne les eût essuyées vivement du revers de sa main. « Vous vous êtes complètement trompé sur mon compte, Miss Dunstable, » dit Frank. « S'il en est ainsi, je vous demande humblement pardon, mais... Oui, je vous l'affirme, vous vous êtes trompé. » « Comment ai-je pu me tromper ? N'alliez-vous pas me dire que vous m'aimiez, me dire des choses absurdes, me demander en mariage, enfin ? « Si je me trompe, si je vous ai mal jugé, je suis prête à vous en demander pardon. » Frank n'avait plus rien à dire pour sa défense. Il n'avait pas convoité la fortune de Miss Dunstable, il est vrai, mais il ne pouvait nier qu'il n'eût été disposé à lui débiter les folies dont elle parlait avec un si profond mépris. « Vous me feriez presque croire, » continua-t-elle, « qu'il n'y a pas d'honnêtes gens dans votre monde aristocratique. Je savais bien dans quel but Lady de Courcy m'avait fait venir. Elle se trahissait 10 fois par jour au moins, mais en même temps je me disais que s'il était rusé et artificieuse, vous, du moins, vous étiez honnête. Et ne le suis-je pas? Je me suis souvent amusé à la voir jouer son rôle et à voir les autres la seconder. Ils espéraient s'assurer la fortune de la pauvre sotte qui avait répondu à leur appel. Je pouvais me moquer d'eux tant que je croyais avoir un véritable ami qui se moquait d'eux avec moi. Mais on ne peut guère rire seul quand tout le monde est contre vous. Je ne suis pas contre vous, Miss Dunstable. Quoi? Vous aussi? Continua-t-elle en suivant toujours le cours de ses réflexions. Ah, si j'étais homme, je ne voudrais pas vendre une parcelle de ma liberté pour des montagnes d'or. Comment? M'enchaîner, dans toute la fleur de ma jeunesse, à une personne que je ne puis aimer, être parjure à moi-même, sacrifier non seulement mon bonheur, mais aussi le sien, et cela pour mener une vie oisive? Ah, monsieur Gresham, est-il possible que les paroles d'une femme comme votre tante aient eu assez d'influence sur vous pour vous porter à commettre une pareille lâcheté? Avez-vous oublié que vous avez une âme, un cœur, de l'intelligence et de l'énergie, monsieur Gresham? La position de Frank était des plus embarrassantes. Il commençait à comprendre que, quels que fussent les reproches que Miss Dunstable put lui adresser, lorsqu'il lui aurait dit toute la vérité, il serait moins amer pour lui que cette accusation qu'elle venait dénoncer avec tant d'indignation. « Miss Dunstable, » dit-il, « je n'ai jamais eu la lâche pensée qui me rendrait vile à mes propres yeux comme aux vôtres. Jamais, sur mon honneur, j'ai eu tort. J'ai agi comme un fat, comme un imbécile, j'en conviens. Mais je n'ai jamais eu les intentions que vous me supposez. Vous n'avez jamais eu l'intention de me conduire à l'hôtel ni de vous approprier ma fortune par un parjure? Jamais. Vous n'avez jamais pensé à moi comme à l'équivalent de tant de terres, ni calculé ce que je représentais chez votre banquier? Oh, monsieur Gresham, » ajouta-t-elle en voyant qu'il la regardait d'un air presque effrayé. « Vous ne saurez jamais ce qu'une femme dans ma position a à souffrir. Je me suis bien mal conduit envers vous, Miss Dunstable. Je vous en demande pardon, mais jamais, jamais, je n'ai aspiré à votre fortune. » « Alors nous voilà de nouveau bons amis, monsieur Gresham, n'est-ce pas ? C'est si bon d'avoir un ami comme vous. Je crois comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin d'en dire davantage. » C'était un peu pour me moquer de ma tante, dit Frank. Dans tous les cas, il y a déjà quelque mérite à cela, dit en riant Miss Dunstable. Je comprends tout maintenant. Vous vouliez aussi vous amuser à mes dépens. Je puis vous pardonner cela, car au moins il n'y a rien là de lâche. Et Miss Dunstable, ayant retrouvé toute sa bonne humeur, l'explication devint de plus en plus facile pour Frank. Deux fois, pendant ce long tête-à-tête, Lady de Courcy s'était glissée dans le salon, et deux fois elle était sortie presque inaperçue. Il était évident pour elle que quelque chose d'extraordinaire s'était passé ou devait se passer, et elle avait compris que sa présence dans un pareil moment ne pourrait amener aucun bon résultat. Chaque fois donc, elle s'était retirée en souriant tendrement aux deux amoureux. Mais il devint enfin nécessaire de les séparer, car tout le monde au château s'était retiré. Pendant ce temps, Frank avait avoué à Miss Dunstable son amour pour Mary Thorne, et Miss Dunstable lui avait recommandé de rester fidèle à celle qu'il aimait. Pour elle, il y avait quelque chose de céleste dans l'amour de deux jeunes cœurs, d'autant plus céleste peut-être qu'elle ne l'avait jamais connu. « N'oubliez pas de m'écrire, monsieur Gresham, mais surtout, n'oubliez jamais cette jeune fille. » Frank était sur le point de le lui jurer quand la comtesse entra dans la chambre. « Jeunes gens, savez-vous l'heure qu'il est ?»« Miséricorde !» s'écria Miss Dunstable. « Il est déjà plus de minuit, j'en suis toute honteuse. » Comme vous serez contente, Lady de Courcy, d'être débarrassée de moi demain? Non, certes, nous ne le serons jamais, n'est-ce pas, Frank? Miss Dunstable sortit. La comtesse toucha le bras de Frank avec son éventail, comme elle l'avait déjà fait quelques semaines auparavant. Mais ce fut pour la dernière fois. Il la regarda fixement, et son regard suffit pour lui faire comprendre que les terres de Greshamsbury ne seraient jamais rachetées par l'onguent du Liban. Miss Dunstable partit le lendemain matin sans avoir l'air de faire attention à la froideur de Lady de Courcy, et le jour suivant, Frank retourna à Greshamsbury.